moi tout. Olé, dis-moi tout. Olé, dis-moi tout. Rapper facile à faire, donc faut pas dire que c'est de l'inédit. Tout de ça, j'ai réveillé les morts, bois un café sans crème avec Kennedy. Actuellement, je me prends pas la tête quand je tombe sur vos sons, je suis hors de panique. Avant la bagarre, fais pas le bavard, j'aime pas trop sa polémique. C'est Dieu qui donne, s'il y a de la bonne, je la revends. On les a éclatés, mais c'est qu'on désire quand même la revanche. Oh, depuis que je suis rentré dans son triangle, je suis devenu puissant. 20 sur 20, je tue elle, un peu que je la revanche. Hey, hey, hey. C'est pour ça que ma tête je la secoue. Négro loxé, c'est pour ça que ma tête je la secoue. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue ce soir. Négro loxé, c'est pour ça que ma tête je la secoue. Négro loxé, c'est pour ça que ma tête je la secoue. Oh yeah. Gang, encore une fois ça flex. Gang, encore une fois ça flex. Qui t'invite, c'est lui, mais qui te propose un autre sirop. Oui. Ma génération veut faire des gosses, oui. Je me suis mis à buter à ce tarnado. Je fais à peur que madame le trompe, donc il s'aventure à faire des cunis. Pas besoin d'avoir des hommes de jolie, pour sa série atterrir sur mon lit. Dormir pour les riches, j'ai limité les grasses mâles. À force d'envoyer les vies, qu'elle va penser que je suis quelqu'un. Sur le terrain, je suis calculé, je remercie mon prof de mal. À l'école, j'étais dissipé, on récré, je voulais des sacs à main. Depuis que je me suis envolé dans la soucoupe, je suis plus sur terre. Depuis que je me suis envolé dans la soucoupe, je suis plus sur terre. Depuis que je me suis envolé dans la soucoupe, je suis plus sur terre. Depuis que je me suis envolé dans la soucoupe.